J'ai su comment les visages se défont, comment on voit la terreur sous les paupières, comment des pages d'écriture au poinçon font ressortir sur les joues la douleur, comment les boucles noires ou cendrées ressemblent soudain à du métal blanc. Le sourire s'éteint sur les lèvres dociles et la peur tremble dans un petit rire sec. Si je prie, ce n'est pas pour moi seul, mais pour tous ceux qui ont avec moi attendu dans le froid féroce ou sous la canicule, au pied du mur rouge, du mur aveugle. Il va être temps de se rappeler. Je vois, j'entends, je vous sens là. Toi qu'on a traîné vers la fenêtre, toi qui n'étais pas sur ta terre à toi. Toi qui secouais ta jolie tête et qui disais « Je viens ici comme chez moi. Je voudrais vous nommer toutes par votre nom, mais ils ont pris la liste. Où poser les questions ?» J'ai tissé pour elle un grand voile avec ces pauvres mots qu'elles m'ont donnés. Je me les rappelle toujours et partout. Que vienne un autre malheur, je n'oublierai rien. Et si l'on bâillonne ma bouche torturée, à travers laquelle crient des millions d'êtres, alors qu'on est de moi semblable mémoire à la veille du jour anniversaire. Et si, je ne sais quand, dans ce pays, on songe à me dresser une statue, je donne mon accord pour la cérémonie, mais j'y mets une condition, qu'on la place non pas près de la mère qui m'a vu naître, avec la mère tous les liens sont rompus, non dans le parc des souverains, près de la souche où me cherche une ombre inconsolable, mais ici, où j'ai attendu 300 heures sans que pour moi s'ouvrent les verrous. C'est que j'ai peur, dans la mort bien heureuse, d'oublier quel bruit faisaient les fourgons noirs, d'oublier la porte qu'on claquait affreusement et la vieille qui hurlait comme une bête blessée. Que, des paupières de bronze, immobiles, la neige en fondant coule comme des larmes, que le pigeon de la prison roucoule au loin et que sur la Neva glissent doucement les bateaux. »